Son discours d'investiture à la présidence du conseil départemental en avril 2015 avait été critiqué par certains élus de l'opposition qui l'a taxé de sécuritaire et de liberticide. Bien évidemment, il n'a jamais été question d'imposer ces caméras, mais de proposer leur mise en place au conseil d'administration des établissements, à charge pour eux d'accepter ou non, assure-t-on aujourd'hui à la présidence du conseil départemental. L'occasion de rappeler, consulter les équipes de direction, la communauté éducative et les parents d'élèves des collèges n'ont pas hésité et voté massivement pour autoriser la mise en place de systèmes de vidéoprotection aux entrées des établissements et dans les angles morts, parkings, flancs de bâtiments. Ces caméras permettent en effet de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens et de faire reculer les incivilités et la délinquance. Cette vidéoprotection permet de dissuader, mais aussi, quand cela est nécessaire, d'identifier le ou les auteurs d'une incivilité grave ou d'un délit. Ainsi, en 3 ans, 31 collèges sur 54 ont déjà été équipés de systèmes de vidéoprotection financés à 100% par le département, qui a consacré 600 000 euros à cette mesure. Les installations se poursuivent et 4 nouveaux collèges seront équipés ces prochains mois. La ville fait une fleur aux automobilistes clients du centre-ville d'Évreux. Jusqu'au samedi 29 décembre, le stationnement sur voirie est gratuit. La décision a été entérinée lundi soir par le conseil municipal. Pour accompagner la dynamique commerciale des fêtes de fin d'année, la municipalité a décidé d'octroyer 8 samedis consécutifs de stationnement gratuit contre 3 l'an dernier. Le choix s'est porté sur le samedi, car c'est la plus grosse journée pour les commerçants, a justifié Karen Beauvillard, la première adjointe, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une demande de commerçants, a complété le maire Guy Lefranc. L'avantage du samedi et notamment l'après-midi, c'est que les employés des banques ou des assurances ne travaillent pas et que cela libère des places de stationnement. Une mesure diversement accueillie par l'opposition. Alain Nogared aurait souhaité que le transport en commun soit davantage développé. Emmanuel Camoin aurait préféré d'autres options comme une zone bleue provisoire ou 2 à 3 semaines de gratuité. Pour sa part, l'ancien maire Michel Champredon a confié sa crainte d'un effet pervers et d'une confusion des messages d'une telle mesure. La dernière assemblée plénière de Bernay, terre de Normandie, qui s'est tenue il y a quelques jours à Brigonne, a mis sur la table 8 délibérations examinées par un nombre réduit de délégués communautaires. Seuls quelques points abordés ont fait l'objet d'échanges entre le bureau et le représentant des communes membres. Au moment de statuer sur la révision des statuts de l'entité territoriale, Françoise Canu a souhaité souligner l'approximation du décompte des voix, tel que l'élu de Meneval l'a relevé lors de la dernière réunion du conseil communautaire. Nous pouvons inscrire la possibilité de recourir au scrutin public si vous le souhaitez, mais il faut savoir que ce mode de scrutin risque encore d'allonger la durée des séances puisqu'il faudra relever les noms des délégués en fonction de leur choix de vote, lui a fait remarquer le président de l'Assemblée Jean-Claude Rousselin. La fixation des tarifs de l'aire d'accueil des gens du voyage à Bernay a fait débat autour des tarifs applicables pour l'électricité. Le tarif facturé 1,50 € le kilowatt a fait réagir le maire de Romilly, la Putenaille, Jean-Bernard Juin. On ne devrait pas pouvoir réaliser un bénéfice sur la revente d'électricité, a-t-il objecté. Il s'agit seulement d'une redevance au kilowatt qui intègre l'abonnement, lui a opposé Valérie Burgiot, qui a reconnu par ailleurs les difficultés de recouvrement des sommes dues par la communauté des gens du voyage et de souligner l'absence d'un agent territorial dédié à son bon fonctionnement jusqu'à la fin de l'année. Suite à l'augmentation du prix du gazole, l'Assemblée délibérante a décidé de modifier la valeur variable du coût du gazole de 1,52 € à 1,62 € pour toutes les sorties extérieures qu'offre la régie de transport. On termine avec un mot de sport et de football. Évreux a fait match nul de partout face à l'US Alençon dans le cadre de la 9e journée de National 3. Your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind.

C'est lundi les amis, le 12 novembre, j'espère que ça va ce matin. C'est toujours dur de se motiver après le week-end, je sais, mais ne vous inquiétez pas, on vous accompagne en direct hein, comme tous les matins sur Cristal. On démarre cette nouvelle journée ensemble et avec vos hits, bien sûr, en Normandie. Je vous ai préparé Katy Perry pour la suite. Votre actu locale et la météo arrivent aussi hein, dans quelques minutes. Le temps d'écouter l'horoscope d'Alexandra. Très bon réveil, il est bientôt 6h. Salut Alex. Bonjour à tous, bon début de semaine. L'horoscope ce lundi 12 novembre. Les béliers, vous êtes un meneur né et vous vous sentez à l'aise lorsqu'il s'agit de diriger un groupe. Taureau, vous ferez preuve d'un ego surdimensionné. Attention, ça risque de vous desservir. Gémeaux, on peut compter sur vous dans la famille et cela se sait. Cancer, vous ne laisserez rien au hasard. Une meilleure organisation des objectifs mieux ciblés, vous serez dès ce lundi opérationnel. Lion, si vous faites une rencontre aujourd'hui, restez sur vos gardes car vous pourriez vous tromper de personne. Vierge, vous êtes sûr de vous et vous n'avez aucun doute sur votre capacité de séduction. Balance, Bougon, vous enverrez promener tous ceux qui auront le malheur de vouloir vous conseiller. Les scorpions, vous vous sentirez stimulés et motivés par les situations compliquées. Sagittaire, vous débuterez cette semaine avec beaucoup d'énergie, d'envie d'entreprendre et de motivation. Capricorne, vous n'avez qu'une angoisse, déplaire. Restez donc zen, hein, c'est votre meilleur atout. Les Verseaux, amis célibataires, si vous vous destinez à chercher l'âme sœur, vous devriez être satisfait. Les poissons, vous avez tendance à intérioriser un peu trop vos sentiments, ce qui laisse la place à des malentendus. Excellente journée à tous.